tout le monde y pense. Les hommes, les anges, les vautours, y a plus de distance. Personne qui ait les bras trop courts, tout le monde.